Sid, ni au Mungere. Benoît Molichonzi assure la mise en onde à la réalisation Francine Ndokubgayo. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal, la langue française, et dont voici les principaux titres. Aucun habitant de la province Ngozi n'est autorisé désormais à se confier aux différents administrateurs communaux de cette province pieds nus. Une décision qui vise à prôner l'hygiène au sein de la population, dit le gouverneur de cette province. Et le gouvernement du Burundi vient de mettre en place une commission pour proposer la décision à prendre après la prolongation du mandat de la commission onusienne pour les droits de l'homme au Burundi. Vous aurez les précisions avec le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et plus de 80% des devises de l'or exporté ne sont pas rapatriés au Burundi. Il a été déclaré par le deuxième vice-président de la République au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les représentants des sociétés d'exploitation et d'exportation des minerais. Comme tous les mardis, c'est la chronique santé. Vous aurez droit à la deuxième partie sur l'angine, une maladie caractérisée par des douleurs au niveau de la gorge et est guérissable si elle est traitée à temps, dit le spécialiste en otorino-laryngologie. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour débuter ce journal. Le gouvernement du Burundi rejette en bloc tous les rapports du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme au Burundi sortis depuis 2013. Dans une déclaration sortie ce lundi, le gouvernement Burundi, via son secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Ntaugwamiye, regrette que le mandat de la commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi a été prolongé. Il fait savoir qu'une commission a été mise en place par le gouvernement pour proposer une décision adéquate à prendre. Suivez Prosper Ntaugwamiye et nous devons cet élément à nos confrères de la Radio Nationale. Depuis l'année 2013, le Burundi fait objet d'un acharnement de la part du Conseil des droits de l'homme en votant des résolutions sans motif valable. L'objectif du Conseil des droits de l'homme, manipulé par le bloc des pays occidentaux et leurs alliés, était de garder le pays sous l'agenda et ainsi présenter le Burundi comme un pays à violation massive des droits de l'homme et méritant une attention particulière. Le harcèlement a pris de l'ampleur à partir de l'année 2015 jusqu'à la récente session tenue en date du 11 au 28 septembre 2018 à Genève, session pendant laquelle une résolution prolongeant le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi a été votée par 23 voix pour, 17 abstentions et 7 voix contre. Le gouvernement de la République du Burundi a appris avec indignation le vote de la résolution du Conseil des droits de l'homme à l'issue de sa 39e session tenue le 28 septembre 2018, reconduisant le mandat de la commission d'enquête alors que cette dernière était déjà rejetée. D'ores et déjà, le gouvernement de la République du Burundi tient à informer l'opinion nationale et internationale que cette résolution ainsi que les rapports politiquement motivés et téléguidés qui l'ont précédé, à savoir le rapport ENUB, le rapport de la commission Ouguerguz, le rapport Doudou Diène sont nuls et de nul effet. La dernière illustration en date est la présentation, le 17 septembre 2018, durant la 39e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, d'un rapport à la fois diffamatoire et mensonger. Ce rapport tendancieux n'a d'autre but que de discréditer les institutions démocratiquement élues et de semer le doute, la confusion et la zizanie au sein de la population burundaise. Pour les raisons si haut évoquées, le gouvernement de la République du Burundi a, lors de la réunion du Conseil des ministres, du 3 octobre 2018, mise en place une commission chargée de faire le contour des différentes décisions unilatérales et injustes du Conseil des droits de l'homme envers le Burundi et de proposer au gouvernement une décision adéquate à prendre. Cette commission fera une analyse globale, minutieuse, sur les tenants et aboutissants des différents rapports sur le Burundi depuis 2015, des différentes réactions, suggestions et recommandations du peuple burundais, des différentes institutions du pays comme le Parlement, face à l'agenda caché des différentes résolutions et rapports de certains pays étrangers contre le Burundi et au contexte international. C'était Prosper Ntaugwamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi. Destitution ce lundi du chef de la colline Kagwema en commune Gihanga de la province de Bubanza. Ce lundi, dans sa correspondance, l'administrateur de Gihanga accuse cet élu local de n'avoir pas collaboré avec le conseil de la colline. Et de son côté, le limogé déplore les faits, précise que ce limogeage est un pur montage. Et page environnement de ce journal, certains habitants du quartier Tcharama, près du bassin d'écrêtement en construction sur la rivière Gassény, apprécient ces travaux en cours. Ils indiquent que cela peut diminuer les risques d'inondation. Suivez-le. Ça me donne le courage parce que auparavant, quand la rivière Gassény passe derrière nous, il y a quelques problèmes que nous rencontrons parce que quand la rivière coule trop vite, par exemple quand la pluie tombe beaucoup, je vois qu'il y a quelques problèmes en rapport avec nous qui habitons derrière de cette rivière Gassény. La rivière qui venait avec une grande force, l'eau qui dépasse la rivière tombe dans son bassin. Comme ça, cette autre quantité qui dépasse la rivière va s'écouler dans son bassin. Et sur les craintes que les champs du riz pourront être inondés par les eaux des pluies provenant des trois rivières canalisées, la directrice générale de l'Agence burundaise de réalisation des travaux d'intérêt public Abouti tranquillise. Catherine Bouchoumi fait savoir que les eaux des rivières canalisées devront aller jusqu'au lac Tanganyika. Ce bassin d'écrêtement est en train d'être construit dans le cadre du projet d'urgence pour la résilience des infrastructures, un projet du gouvernement du Burundi financé par la Banque mondiale. Ce bassin d'écrêtement est construit pour accueillir les eaux venant de la rivière Gassény. C'est un bassin qui va permettre à l'eau venant avec une grande vitesse de se reposer et de continuer son chemin jusqu'au lac Tanganyika. Il y a certains habitants qui disent que l'eau qui part de ce bassin, que ça va inonder les champs de riz. Est-ce que c'est le cas? Vous tranquillisez? Je voudrais tranquilliser la population de Boutelele surtout parce que cette population s'est beaucoup inquiétée et justement des dégâts que cette eau pourrait causer et si jamais le projet ne continuait pas jusqu'au lac Tanganyika. Dans une première phase, il était prévu que nous construyions des canalisations jusque justement au niveau des rizières. Mais avec le temps et en collaboration avec la SRDI, nous avons vu que si nous ne continuons pas cette canalisation, il y avait effectivement des risques d'inondation et nous avons cherché des fonds supplémentaires pour ouvrir la voie à cette eau qui va continuer jusqu'à la rivière Kinyarwanda. Donc depuis vendredi dernier, les travaux de prolongement de la canalisation ont commencé et donc il s'agira d'une canalisation en terre qui va continuer avec cette eau jusqu'à la rivière Kinyarwanda. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h03 dans les studios de la Radio Isanganiro, parlons de l'économie. 83% des devises de l'or exportées ne sont pas rapatriées au pays. C'est du moins l'annonce faite par le deuxième vice-président de la République dans une rencontre ce mardi avec les représentants des sociétés d'exploitation et d'exportation des minerais. Joseph Boutoretti a affirmé que ce secteur minier au Burundi connaît des problèmes liés à la fraude des minerais, la dégradation de l'environnement et le non-rapatriement de ses devises. Cette rencontre, dit-il, est tenue pour veiller à la mise en application des recommandations du Conseil national de sécurité appelant à mettre de l'ordre dans ce secteur. Je vous prie de suivre le deuxième vice-président de la République. Cette rencontre fait suite aux recommandations issues de la session extraordinaire du Conseil national de sécurité du 26 septembre 2018 qui nous interpelle à mettre de l'ordre dans ce secteur après avoir constaté que certains exportateurs des minerais opèrent en violation flagrante de la loi, surtout en matière de rapatriement des devises. En effet, une alerte appelant à la suspension des activités des coopératives opérant dans le secteur minier pour une période de 2 mois a été lancée par le Conseil national de sécurité. Pour faire suite à cette mesure, nous avons commandité une petite analyse de vos activités afin d'identifier les défis à relever rapidement pour la bonne marche de ce secteur très important dans l'économie nationale. Le constat est que la situation du rapatriement des devises en provenance de l'exploitation de l'or est critique. À travers une brève présentation des experts, vous allez remarquer que les plus grands exportateurs de l'or affichent un très faible taux de rapatriement des devises. Ainsi, plus de 83% des recettes en devises pour l'or exporté ne sont pas rapatriées. Pour quelles mauvaises raisons, on ne sait pas encore. En termes de recettes, les statistiques de la Banque de la République du Burundi montrent que notre pays comptait recevoir 44 957 $519 américains apportés pour 2017, mais n'a reçu que $15,957,288 américains, tandis que pour 2018, donc l'année en cours jusqu'au mois de septembre, l'on a reçu $13,164,172.60 américains, alors que l'on espérait rapatrier $33,474,813 américains. Vous êtes d'accord avec moi que cette situation ne peut ne pas nous inquiéter. Il est plus que temps d'appliquer strictement et rigoureusement la réglementation à la matière. C'était le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutoré. Des sanctions sévères seront prises contre toute personne qui jetterait des déchets dans n'importe quel espace de la ville de Bujumbura. Ceci est dit par le chef de zone Rohero à mairie de Bujumbura au moment où des immondices de différentes sortes sont éparpillés dans différents coins de la zone. Fulgence Sindaï-Hiboura appelle la population urbaine à jeter ses déchets dans des espaces adéquats afin de préserver l'hygiène à mairie de Bujumbura. Les immondices qui étaient devant les bureaux, devant les sociétés, devant les boutiques, devant les magasins, dans les canevons de la zone, c'est la mairie qui est chargée de faire ça. Et la mairie utilise beaucoup de moyens pour arriver à ces immondices. Qu'est-ce que vous comptez faire pour pallier à ce problème? Je prends cette occasion de dire aux gens qui circulent dans notre zone et les gens qui travaillent dans notre zone de prendre toutes les mesures possibles d'empêcher les gens qui jettent des immondices dans les canevons. Et je prends cette occasion de dire que ce qui sera attrapé de jeter des immondices dans les rues et dans les canevons, il sera puni. Je vais être en contact de service de la mairie pour voir comment on peut faire taxer les amendes existantes dans les registres de la mairie. Et quel appel pouvez-vous lancer à ces gens qui ont cette tendance toujours de jeter les bouteilles ou bien les chercher dans les rues après l'utilisation ou bien après l'usage? Je lance un autre appel à des gens qui jettent des fracons ou des sachets dans les rues ou dans les canevons dans notre zone. Ce qui sera attrapé sera puni par la loi. Je prends cette occasion à demander à ces gens-là, après avoir consommé l'eau ou la nourriture, de garder ça jalousement pour les jeter dans les maisons ou dans les poubelles publiques. C'était Fulgence Sindaï-Hiboura, il est le chef de zone Rohero à mairie de Bujumbura. Et aucune personne n'est désormais autorisée à se rendre au bureau communal de n'importe quelle commune de la province Ngozi pieds nus. Cette mesure a été prise par le gouverneur de la province Ngozi en vue de prôner l'hygiène au sein de la population. Et bon nombre des habitants de cette province saluent cette décision. Cependant, certains indigents demandent la main des bienfaiteurs en leur octroyant des souliers indiquant qu'ils ont souvent besoin de l'autorité communale. Actualité internationale. En international, au Cameroun, au lendemain de la présidentielle, toujours pas de résultats provisoires. 24 heures après cette journée de vote, l'un des principaux candidats revendique aujourd'hui la victoire. Et au Tchad, Florence Parly, la ministre française des armées, est à N'Djamena en déplacement purement sécuritaire consacré à la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad et au Sahel et aux États-Unis d'Amérique. Brett Kavanaugh a officiellement prêté serment lundi après sa confirmation par le Sénat. Samedi, le juge s'est dit déterminé à servir la Cour suprême et le pays de manière non partisane. Le point avec Richard Kubgabrugir. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. C'est sur ces mots, au lendemain de la présidentielle au Cameroun, que l'opposant Maurice Kamto assure avoir emporté les présidentielles qui ont eu lieu dimanche. L'ancien ministre de Paul Biya a filé la métaphore footballistique pour affirmer qu'il avait gagné. Pourtant, il n'a donné ni chiffres ni pourcentage. Le président Biya n'a pas réagi lui-même à cette déclaration, mais son parti est sorti du silence. Pour Jacques Famendo, ministre de l'enseignement supérieur et secrétaire de la communication du RDPC, le parti au pouvoir, il s'agit de propos loufoques, complètement fantaisistes. Seul le peuple camerounais est souverain et seuls les urnes doivent décider du prochain président de la République. Nous ne sommes pas une république bananière où quelqu'un peut se lever et se proclamer président, a-t-il dit. Au micro de RFI, le candidat du SDF, Joshua Ozi, se montre plutôt étonné de cette déclaration de Maurice Kamto, car selon lui, il faut encore du temps pour recueillir tous les résultats. Au Tchad, Florence Parly, la ministre française des armées, est en N'Djamena, en déplacement purement sécuritaire consacré à la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad et au Sahel. Après le Niger et le Burkina Faso en juillet 2018, Florence Parly, la ministre de la Défense française, arrive en N'Djamena pour poursuivre des discussions en vue de l'appropriation des opérations de la sécurité par les Africains eux-mêmes. Aux États-Unis d'Amérique, Brett Kavanaugh a officiellement prêté serment lundi 8 octobre. Après sa confirmation par le Sénat, samedi, le juge s'est dit déterminé à servir la Cour suprême et le pays de manière non partisane. Le juge Kavanaugh a prêté serment lors d'une cérémonie à la Maison Blanche et a promis d'être impartial. Il a dit « La Cour suprême est une institution de droit, ce n'est pas une institution partisane ou politique, c'est une équipe de 9 juges et je jouerai toujours collectif au sein de cette équipe », a-t-il promis. Brett Kavanaugh a également revenu sur les conditions de sa désignation et au cours de la cérémonie, le président américain s'est lui excusé au nom de la nation auprès de Brett Kavanaugh et sa famille pour la douleur et les souffrances terribles que le juge a dû endurer pendant son processus de confirmation. Radio Isanganiro, chronique santé. Et la chronique santé de ce mardi revient sur l'angine, une maladie caractérisée par les douleurs au niveau de la gorge. Le spécialiste en otorhinolaryngologie, le docteur Jean-Jacques Gentil-Rumbété, explique que l'angine redevient une maladie chronique et elle revient plus de 3 fois par an. Le spécialiste indique également que l'angine est guérissable si elle est bien traitée, au cas contraire, entraîne d'autres maladies. Chronique santé d'aujourd'hui est signée Namia Ndaikej. Dans notre précédente chronique santé, nous vous avons parlé de l'angine qui est une infection de la gorge qui se traduit par une sensation de succion. Le spécialiste en ORL, le docteur Jean-Gentil Umbété, fait savoir que l'angine est une maladie qui attaque le plus souvent les enfants qui ont l'âge compris entre 2 et 7 ans, ainsi que les adultes. Il explique que cette maladie peut être guérie. Le traitement est celui-ci. Il y a différents antibiotiques de classe 1, 2, 3 ou 4 et de palier 1, 2, 3 qui peuvent soigner les angines. À côté de cela, il y a aussi les anti-inflammatoires généraux et locaux qu'on peut associer. Se faire opérer, c'est quand il y a chronicité, la seule arme pour guérir définitivement l'angine. Si la maladie est répétitive à plusieurs reprises, elle peut entraîner d'autres maladies, y compris l'insuffisance rénale. Les complications des angines sont nombreuses. C'est notamment le rhumatisme articulaire aigu. C'est notamment des complications cardiaques, par exemple l'angle de poitrine, la péricardite, la cordite rhumatismale. C'est l'insuffisance hépatique. C'est l'insuffisance rénale. Selon le docteur Jean-Gentil Umbété, la prévention de l'angine n'est pas facile. La prévention de l'angine est difficile. Avoir les germes, ça profite dans l'organisme et dans l'environnement. Ce spécialiste en ORL appelle toute personne à consulter le médecin avant les signes cliniques de l'angine afin de vérifier si elle n'a pas de microbes stimulant cette maladie. Si Namia Ndaikej, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Benoît Morichonsi pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Un bon après-midi à tous. Au revoir.